Art ou plus. Théâtre Périscope, quant à lui, vous offre un abonnement double pour toutes les premières de la saison 2016-2017, valeur de 300$. C'est à 170. Et téléphonez au 88 640 2575 et faites votre mise. Cette journée du Radioton vous est présentée par la Caisse de Limoilou et la mesure Première Ovation. Depuis 2008, la mesure Première Ovation soutient la relève culturelle de la Ville de Québec en donnant aux artistes les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 10 disciplines artistiques, Première Ovation contribue également à une meilleure diffusion des talents et favorise l'accès aux créations de la relève. Visitez premièreovation.com pour découvrir les nouveautés et tous les programmes offerts. CKRL et Première Ovation, membres d'une même famille, font rayonner la culture émergente à Québec. Salut, ici Alexandre Desilets. Un petit mot pour vous dire que CKRL est en plein Radioton. C'est le temps de venir nous voir, venez faire vos dons. Devenez généreux, devenez membre. L'Orchestre symphonique de Québec a le plaisir de présenter son concert Fables, Contes et Musique. Une soirée toute en poésie, avec la participation des comédiens du Théâtre du Trident, où vous entendrez des fables de La Fontaine sur la musique de Poulenc, ainsi qu'une lecture du conte de La Belle au bois dormant sur des extraits de cette même œuvre composée par Tchaïkovski. Un rendez-vous le mercredi 13 avril au Grand Théâtre de Québec. Détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand au service personnalisé. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. 99 Boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418 842 2734. Pédalier.ca. Chez Sanimax, nous développons des solutions respectueuses de l'environnement afin de répondre aux besoins des industries alimentaires et agroalimentaires. Chaque année, en récupérant plus d'un million de tonnes de sous-produits animaux et alimentaires, d'huile végétale, de peau et de cuir, nous fournissons un service essentiel, fiable et sanitaire. Chez Sanimax, nous sommes les 3 R. Récupérer, renouveler, retourner. Pour plus d'informations, 832-4645 ou sanimax.com. Hey malade! Un vrai all-you-can-eat de qualité chez Sushi Niki. Sushi Niki vous offre un concept unique à Québec. Menu à volonté à partir de 28$. Sushi, général Tao, crevettes tempura et bien d'autres plats. Profitez de la formule Apportez votre vin à Limoilou ainsi que du spécial midi à volonté à 18$. Succursale à Loretteville avec son salon Tatami. Commande pour emporter disponible dans nos 2 succursales. Suivez-nous sur la page Facebook et participez à nos concours. Il est midi 3 minutes, le Radioton de CKRL qui bat son plein, une journée qui est vraiment forte en mouvement, il y a beaucoup de gens, ça circule, vous venez nous voir au 405 3e avenue et on est toujours très, très, très content de vous voir. On a ouvert le bar pour ceux qui se posent la question, maintenant tout est prêt, on vous sert la bière de la Barberie, notre partenaire. Voilà, ça fait toujours des heureux à ce moment-là et on entre dans une guerre. Une guerre des arts où on a plusieurs, je dirais pas tous, mais plusieurs animateurs de nos magazines culturels qui sont là pour défendre bec et ongle leur art, leur discipline artistique. Ils sont en équipe ou en solo et on a vraiment plein de gens là, on a comme une chorale. En fait, c'est que Saint-Fidèle au poste ce matin, je disais, c'est la plus grosse équipe du Radioton. Et moi, je voulais battre ça, évidemment. Je voulais pas que Jean-Sébastien Grondin gagne la plus grosse équipe. Donc, j'ai mis tous les animateurs ensemble dans la même émission. Le concept, c'est assez simple. Il y a des thématiques et chaque équipe devra défendre sa discipline artistique avec une œuvre. Alors, vous comprenez que c'est l'objectif, c'est de mettre des œuvres de l'avant. Mais il y aura quand même un grand gagnant de cette guerre des arts. Grâce à notre juge, le juge ultime, Francis Desharnais, qui est avec nous. Allô, Francis. Bonjour. Et là, les gens trouvent que tu n'es pas impartial parce que tu es un auteur de bande dessinée. J'ai mis le pied dans la place et tout de suite, on me dit « Ah non! » c'est juste un juge de BD, il est vendu direct. Mais tu es aussi un consommateur de culture en général, donc tu es en général, puis même là j'ai envie de dire je pense que une des choses qui va être importante pour moi, c'est que vous me donniez envie de découvrir l'œuvre dont il va être question dans les différentes thématiques. Donc si c'est des choses que je connais déjà, ben ça donne pas plus de ça donne pas une avance. Donc la BD, au fond, qu'elle patine, là, qu'elle travaille plus fort un peu. Fait que j'ai envie de dire ça, OK? Ensuite, l'autre... Écoutez, j'ai fait mes devoirs aussi. L'autre aspect que je vais regarder beaucoup... c'est fou, ils ont tous l'œil du tigre, c'est incroyable. C'est qu'est-ce que la discipline que vous représentez a d'unique que les autres n'ont pas? Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que, bon, a priori, tout le monde part gagnant. Je veux dire, si on parle un peu de la guerre des arts, c'est un livre où tous les artistes de la planète Terre sont capturés par des extraterrestres pour mener une guerre. Mais pas une guerre avec des fusils, une guerre avec des disciplines artistiques, avec de la danse contemporaine, avec de l'art visuel, avec des performances, avec des installations. Donc, je veux dire, si ça arrivait maintenant, ben on a besoin de toutes les forces vives des arts. Mais là, aujourd'hui, on veut du sang. Aujourd'hui, on veut que tout le monde se batte entre eux. C'est ça, c'est plus un gladiateur là, que se battre ensemble. Merci de nous avoir prêté ton nom, La guerre des arts, parce que c'est le nom de ton livre, de ton bande dessinée. Puis je l'ai volé en te demandant la permission. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, Francis Desharnais qui sera le grand juge. Et déjà dans les corridors, ça commençait. Là. Ça commençait à se battre un peu. On va commencer par Pierre Blais, qui est très, très belliqueux, qui a déjà commencé à piquer. Ce n'est pas ma réputation. Non, mais c'est ce que tu as démontré tout à l'heure, mais tu l'as fait... hors micro. C'est peut-être pour ça que c'est pas ta réputation. On va le sortir au grand jour. Alors, Pierre, toi, tu vas défendre, évidemment, le cinéma. Le cinéma, parce que je n'aime l'émission Situation critique consacrée au cinéma tous les mardis soirs à 18h30. Et je sais qu'hors des ondes, tu dis toujours que c'est la meilleure émission à CKRL, celle qui défend le mieux les arts. Tania, puis je t'en remercie. Et même si je suis seul ici pour défendre le cinéma, il faut se rappeler que le cinéma, ça intègre toutes les formes d'art. La peinture, la musique, le théâtre, tout ça. Même la BD s'inspire du cinéma. Le découpage, le montage, le cinéma rassemble tout. C'est l'art ultime. L'art ultime. Merci beaucoup, Pierre Blais. Robert Boisclair, tu défends le théâtre, peut-être la danse aussi, je ne sais pas si... En fait, non, je me concentre sur le théâtre aujourd'hui, étant donné qu'on avait choisi un art chacun, mais je me permettrai peut-être de danser en expliquant mes spectacles. Donc, Robert, animateur des Enfants du Paradis. Oui, lundi, 17h30 à 18h30, une heure de théâtre et de danse à toutes les semaines. La deuxième meilleure émission de la station, mais la meilleure émission de théâtre et de danse au monde, comme tu le dis, à toutes les semaines. J'en dis donc bien les choses, moi. Pour défendre la littérature, on a Barbel Rink et Marie-Hélène Vaugeois. Bonjour. Bonjour. Bon, nous, on représente l'émission Les bouquins d'abord, la meilleure émission de littérature. Hein? C'est évident. Et on met la barre haut, on va faire ça avec des œuvres québécoises. Fait que vous avez déjà tous perdu. On était déjà tellement forts, on s'est dit on va se mettre un handicap, parce que sinon, ça serait pas gentil pour les autres. Et évidemment, on comprend que la littérature, de sa nature, du premier art démocratisé, est supérieure à toutes les autres arts. Et inspire tous les autres, vous nous copiez tout le temps. Voilà, alors on a vraiment l'ambiance là, de cette guerre des arts. Pour représenter les arts visuels, on a Audrey Caro et Gentillane La France. Bonjour. Allô. Mesdames. Allô. Alors vous représentez aussi l'émission L'aérospatiale. Exactement. À vrai dire, on précède l'émission de Pierre Blais. Nous, on ouvre la table, on met la table, on y donne tout là, le mardi. Alors c'est vraiment nous qui anime cette émission-là avec grand plaisir. Il faut dire que les arts visuels à la radio, c'est quelque chose d'unique à CKRL là, quand même, parce qu'il y a pas, on est la seule émission. Le seul magazine radio sur les arts visuels à Québec. Exactement. Et puis il faut dire qu'on couvre aussi beaucoup ce qui se passe à Québec. Donc ça, c'est exclusif. Oui. Faut dire. Et puis vous n'êtes pas les seuls en littérature à avoir concentré votre sélection sur des œuvres québécoises. Oh. Exact. On s'est donné un défi. Donc, oui. Puis on compte bien gagner avec notre défi. Certainement, on va surprendre Monsieur le juge. Oui. Et Pierre Blais aussi. Oui. Excellent, merci beaucoup les filles. Et finalement, pour la bande dessinée, Raymond Poirier et Marco Duchesne. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc, la meilleure émission de bande dessinée aussi au monde? Ben, en fait, on pourrait dire, évidemment, dans ce registre-là, oui. Puis, je pense, enfin, on parlait de littérature tantôt, ben, la bande dessinée est tellement meilleure qu'on s'est même, on a émergé de la littérature pour avoir notre propre entité. Là. En fait, la bande dessinée est pas faite pour tout le monde. On comprendrait pour ceux qui saisiraient pas tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Et je tiens à souligner par ailleurs que au niveau de la sélection, nous aussi, on y va avec une sélection exclusivement québécoise, et même on était un pas de plus en avant. On y va avec une sélection exclusive des œuvres de Francis Desharnais. Vendu dans toutes les catégories. Dans toutes les catégories, alors ça sera. On sera pas surpris. Mais ça peut être une stratégie gagnante ou non. C'est ce qu'on verra parce qu'on commence à l'instant cette guerre des arts. Je n'ai pas d'effet sonore, mais je vous invite à en faire un, tout le monde ensemble. Le meilleur effet sonore collectif live de l'histoire de la radio au grand complet, puisqu'on est dans cet esprit. Alors, je vous demande de nous présenter une œuvre qui décrit le mieux, selon vous, l'amitié. Alors, on va commencer avec la littérature. L'amitié. L'amitié. Bon, moi, j'ai choisi une œuvre québécoise de la ville de Québec et même du quartier de Limoilou. Le troisième orchestre de Sylvain Lelièvre, qui raconte l'amitié entre un jeune garçon orphelin de père d'un milieu assez modeste qui va faire son cours classique et qui va se faire un ami qui vient d'une famille riche. Et à travers cette amitié, on a tout le récit de la Révolution tranquille et de cette ère au Québec où tout était possible, le rêve américain d'avancer, devenir quelqu'un d'autre, de se réinventer. Et moi, c'était quelque chose, je l'ai relu dernièrement. Et pour moi, c'est déjà un classique de la littérature québécoise, même si c'est assez récent quand même comme livre. Et à mon grand regret, c'est resté le seul roman de Sylvain Lelièvre. Alors voilà, tu nous rappelles le titre, Barbet? Le troisième orchestre de Sylvain Lelièvre. Alors voilà, pour l'amitié. Pierre Blais, cinéma? Oui, moi je vais commencer de façon un peu grave, mais par un film qui m'avait énormément marqué. Avant de vous dire le titre, est-ce que vous vous souvenez de cette phrase, mais qui était formidable et qui émanait de ce film? C'était « Ce n'est pas la chute qui compte, mais l'atterrissage ». Et c'était tiré de... Je sais pas, mais Francis le sait. La haine de Mathieu Kassovitz. À l'époque, c'était le deuxième film de Mathieu Kassovitz sorti dans les années 90. C'était le premier réellement qu'on voyait de lui, on le découvrait au Québec. La haine, pour moi, si j'ai choisi ce film sur l'amitié, d'une part, oui, on parle d'amitié, je vais dire ce que ça raconte un peu, mais aussi parce que ce film-là est encore très actuel avec ce qui est arrivé, évidemment, ces derniers temps en Europe avec les attentats, parce que on y parle d'immigration. Dans la haine, on parle des jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui sont sur le chômage, qui n'ont pas d'emploi, qui sont pointés du doigt en Europe, et sur fond d'amitié. Et l'amitié là-dedans, elle est représentée par un trio de comédiens, un trio de personnages. On se souvient entre autres de Vincent Cassel, qu'on a découvert réellement à ce moment-là. Mais les deux autres, il y avait un arabe et aussi un noir. Donc, c'était les Nations Unies réunies dans ce film-là, avec des thèmes graves, mais avec une amitié tellement forte, la haine de Mathieu Kassovitz. Alors voilà, pour le cinéma en art visuel, qu'est-ce qu'on propose? Alors, en art visuel, nous, on est un petit peu plus léger, ludique, si je peux dire. J'ai une petite image pour les gens qui sont ici. Donc, Anna Revakowitz, qui avait présenté lors de la manif d'Art 4, Conversation Bubble, donc, qui est en fait une immense bulle gonflable dans laquelle 5 personnes se trouvent à l'intérieur de cette bulle. Et finalement, ben, on est placé avec ses amis, finalement, à l'intérieur. Et tout ce qu'il y a à faire, ben, c'est se jaser. Donc, voilà un beau moment où on peut se réunir ensemble dans une sculpture gonflable unique. Donc, c'est pas un bar. On peut pas prendre une bière. Mais quand même, on peut y discuter ensemble de façon assez originale et ludique également aussi. Voilà. Alors, une œuvre présentée pour l'amitié en bande dessinée? C'est tellement facile, la bulle. Nous, on a été vers une période de notre vie, de notre existence. En fait, la période où on est en train de forger des amitiés, c'est le secondaire. C'est l'adolescence, effectivement. Nous, on a choisi chez l'éditeur Pawpaw, qui, en passant, est l'éditeur de Francis Desharnais, où il a publié quelques-uns de ses meilleurs BD. Mais tous ses BD sont ses meilleurs BD à Francis Desharnais. Mais cela dit, Marco, en fait, en matière d'amitié, on peut penser à Glorieux Printemps de Sophie Bédard. En fait, un premier volume, d'abord publié sur le web, ensuite en album, où on suit essentiellement au fil de 4 tomes et de 4 années un groupe d'amis au fil de leur secondaire à une époque charnière de leur vie où ils sont en train de bâtir leur personnalité et la nature de leurs êtres qui les mènera vers un avenir glorieux. Tout à fait. Quoi dire de plus? En fait, j'ai manqué mon cue à un moment donné, mais bon, c'est pas grave. Et ce qu'on allait dire, en fait, c'est que ce qui est extrêmement intéressant, c'est notamment aussi qu'on explore évidemment l'amitié entre hommes et femmes à l'époque, pas seulement non plus des relations entre amoureuses, donc on va lorgner un peu de ce côté-là, et parallèlement, qu'on découvre un trait et une hauteur extrêmement riche. Alors voilà, Glorieux Printemps. C'était une idée géniale, Raymond, de faire ça en dialogue. Oui, en fait, comme on voit, ça a bien marché. Et en terminant le théâtre, Robert. Oui, alors moi, j'ai fait un peu une exception dans mes choix, c'est-à-dire que, oui, j'ai choisi une pièce sur l'amitié, mais c'est une pièce que je n'ai pas vue, parce que je l'ai choisie pour une raison bien simple, c'est que j'en ai tellement entendu parler, tellement en bien, en bon terme de cette pièce-là, que j'ai dit, je ne peux pas passer à côté de cette pièce-là et d'en parler quand même, et aussi parce que c'est un sujet brûlant qui rejoint peut-être un petit peu... ce que tu parlais tout à l'heure, Pierre, là, les attentats et tout ça, ça se déroule... En fait, c'était aussi à l'origine un livre. Ça s'intitule « Si tu veux être mon ami », c'était présenté par Nuages en pantalon. C'est l'histoire, en fait, les échanges de lettres entre une Palestinienne, et une Israélienne. Donc, c'est une rencontre quand même un peu particulière, un peu inattendue, dans une région de la planète où on sait tout ce qui se passe avec les conflits, etc. C'était présenté par... les Nuages en pantalon. Et j'ai juste un petit extrait que je vais vous lire. C'est un peu le début de leur rencontre, si vous voulez. Alors, c'est la Palestinienne qui parle d'abord. « Je ne sais pas si tu veux être mon ami. À part ma famille, personne ne sait que je t'écris. » Et là, l'Israélienne répond « Quel sentiment étrange de savoir que j'écris à une Palestinienne. C'est comme si c'était un rêve heureux. » Donc, c'était vraiment, je crois que c'était une belle pièce. Les gens ont adoré quand ils sont allés voir ce spectacle-là. Et c'est vraiment une rencontre à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Merci beaucoup, Robert. Alors, voilà, on a 5 propositions sur le thème de l'amitié. Francis, je pense que le choix, ça commence dur. Là. Ça commence très dur. Je sais pas quoi dire, en fait. En fait, tu peux dire bravo Raymond, bravo Marco. Oui. Puis... Tu dois absolument décerner un point. Non, ça, la tactique l'HQ, je vous avouerai que c'est peut-être à mettre un peu en veilleuse. Attends, on va rien commencer. C'est si bien dit. J'avoue que l'équipe des arts visuels... Bon, à la radio, ça passe un peu moins bien parce que on le voit pas. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un support visuel et j'avoue que ça m'a un peu accroché. Alors, je crois que je vais y aller avec les arts visuels pour cette première ronde. Moi aussi. Et je voudrais dire que j'ai apprécié Robert le fait d'avoir un extrait. Ça m'a aidé. À la littérature, je me serais peut-être attendu à ça d'avoir parce que ça s'y prête, bien. Alors, en tout cas, je dis ça, je dis rien. On a juste une minute. Hein? On a des extrêmes aussi. Ah oui, mais quand j'ai dit que les trucs que j'avais vus partaient avec peut-être moins de... Je suis ici pour découvrir aussi. Ce que je peux dire, au-delà de la joute, c'est que La Haine est un film qui m'a profondément marqué. J'avais vu en France à sa sortie à l'époque, j'ai revu au CLAP. Encore aujourd'hui, là, j'ai hâte de voir la suite qui est en possiblement. Cours. Possiblement. En tout cas, qu'on entend parler. Donc voilà, puis Glorieux Printemps qui est une super suite de bande dessinée. Merci beaucoup, Francis. Prochain, on va parler de voyage. Alors, on va commencer, tiens, avec les arts visuels, puisque c'est eux qui ont remporté le point. Qu'avez-vous à nous proposer pour la thématique du voyage. On change les livres, on change les pages Internet. Oui, parce qu'on a pensé, nous, amener du support visuel. Oui, hein, c'est alors, ça. Alors, moi, ce qu'on voulait vous proposer ici, encore une fois, on est dans l'humour. Jean-Tienne, si tu peux peut-être montrer à nos, à donc, nos collègues. Donc, Alfred Pellan. Alors, c'est, on y était avec un chouchou de Limoilou, Alfred Pellan, mais c'est qu'en 1949... il a fait une série de cartes postales. C'est le Rocher Percé à Gaspé. Donc, c'est le Rocher Percé, mais qu'il a dessiné directement dessus pour créer toutes sortes de personnages, bateaux, châteaux, sirènes. Donc, il s'était laissé inspirer par cette forme du Rocher Percé. Il a expédié ces cartes postales-là à des amis, mais c'est un processus qu'il va avoir réutilisé, là, qu'il a piqué en quelque sorte à Salvador Dali, là, le processus paranoïaque critique, et puis qu'il a réutilisé par la suite là, dans les années 70-80. Alors voilà donc une façon de voyager. Un tour de la Gaspésie. Hein? Oui, c'est oui. Ça, un classique du tourisme québécois de le Rocher Percé en Gaspésie. Alors merci pour le voyage. Robert, en théâtre. Oui, alors moi, je vais y aller avec le long voyage de Pierre Guibé, qui était vraiment un spectacle magnifique qui était présenté au Périscope. Je l'ai choisi dans la catégorie voyage, même si on voyageait, oui, dans le monde avec Pierre Guibé, mais également parce qu'on voyageait via les sons. Pierre Guibé, Pierre-Guy Blanchard, en fait, qui est un musicien, nous faisait voyager d'une façon, mais vraiment magnifique dans ce spectacle-là, de par sa musique, de par les sons qu'il avait découverts un peu partout dans le monde. Et il nous racontait son voyage alors qu'il est parti de son coin de pays, qui était le Nouveau-Brunswick, pour aller complètement en Asie, découvrir des sons inusités. C'était vraiment un voyage extraordinaire dans les sons, dans l'imaginaire et d'un bout à l'autre. Il y avait aussi le personnage de Christian Essambre qui était là. Et la rencontre des deux, aussi une bonne portion d'amitié, j'aurais pu choisir également pour l'amitié. Il y avait vraiment une très belle relation d'amitié entre les deux. C'était donc vraiment un très, très beau voyage dans le temps, dans le son et dans l'espace. Merci beaucoup, Robert. En littérature? En littérature, un livre qui aurait pu servir aussi à l'amitié ou au rapport familial, 6 degrés de liberté de Nicolas Deschner, qui est aussi un livre de geek, mais qui raconte aussi l'histoire d'une fille, de quelqu'un, en fait, qui va voyager dans un container, qui va traverser les mers dans un container. Et là, je mets mes lunettes et je vais servir le juge. Le soleil tape dur et Lisa sent qu'elle va s'endormir lorsque soudain, le conteneur blanc étoilé, sans conteneur blanc étoilé, apparaît au bout de la rue. Il semble énorme, deux fois plus long que chez Surplus Peter, et d'une hauteur absolument déraisonnable. Le semi-remorque passe presque tout droit, ralentit tout de même, et se stationne dans la rue. Ça fait que là, elle, à la fin du livre, on raconte un peu comment est arrivée à s'installer dans un conteneur et partir à travers le monde. J'ai beaucoup aimé ça, et je ne m'attendais pas, quand j'ai pris ce livre-là, de lire un livre de voyage de cet ordre-là. Ça fait que moi-même, j'ai été surpris de ce livre-là. Et c'est un récipiendaire du gouverneur général. Aussi. En plus. Merci pour cette suggestion. Maintenant, dans le voyage en bande dessinée? Tantôt, on parlait de la bulle, que c'était tellement facile. Les arts visuels, leur deuxième idée aussi, nous ont piqué un peu le truc. Parce que les cartes postales, si on les regarde, pour ceux qui ont eu le visuel, c'est une succession d'images qui se suivent. Comme de la BD. Alors, ça montre l'ubiquité du médium, en fait. Je ne sais pas quelles étaient les règles pour le plagiat, mais bon, on en reparlera. De notre côté, en matière de voyage, je pense qu'il y a un titre qui s'est imposé, Fauve d'or, notamment à Angoulême, Guy Delisle. Bon, il a obtenu ce Fauve d'or pour les Chroniques de Jérusalem, mais nous, on aurait plutôt envie de vous amener vers Pyongyang, en fait, le premier qui a lancé cette série de livres de voyage. Des bandes dessinées qu'on lit, qu'on est à la fois dépaysé et en apprentissage, qu'on est accompagné par un guide qui est chaleureux, qui est amical, qui est bon enfant, qui nous partage ses impressions de voyage, qui nous partage ce qu'il voit, mais aussi ce qu'il ressent face à ce qu'il voit. Oui. Marco m'approuve. Mais encore. Avec Guy Delisle, c'est sûr, c'est le fait qu'il ait suivi sa, sa femme un peu partout et qui nous a donné en chronique un peu son dépaysement, un peu son... Sa femme ne l'a pas suivi dans Pyongyang. Oui, c'est lui qui travaille là-bas. C'est vrai, merci, Pierre. On voit que tu me surveilles. Encore. J'allais le dire, Pierre, si tu n'en pas. Il doit être content de celle-là. Mais merci, messieurs. Votre minute est écoulée, d'où l'importance d'être très exact. Pierre, justement, tu as pris le micro. Et toc. Oui, c'est à mon tour? Oui. Allons-y pour un film réalisé par Sean Penn, le comédien qu'on connaît tous, et qui a réalisé un fort beau film sur le voyage, tiré d'un livre qui est passé inaperçu. Il fallait que ce soit le cinéma qui reprenne ce livre. Pour qu'on... Ouais, mais comme quoi, sans livre, le cinéma n'existerait donc, pas. Donc, c'est ma minute de gloire, s'il vous plaît. donc, on parle du film Into the mais Wild. Mais Pierre, fais attention, par exemple, c'est pas Into the Wild, c'est Into the Wild. Il y a un petit côté allemand dans ça. Bonne prononciation, un peu de rigueur. Là. Oui, tu mériterais d'aller te débattre dans un camp allemand, toi. Donc, c'est l'histoire de Christopher McLanders, qui est un jeune homme et qui est parti à l'aventure sillonner les rues de l'Amérique. Et c'est une histoire tellement triste, puisque pour se nourrir, il va finalement consommer un champignon et va décédé dans son voyage. C'était magnifiquement joué par Emil Hirsch. On voyait d'ailleurs dans l'un de ses premiers rôles Kristen Stewart avec toujours la même mine. Et ce film-là était bercé par la musique d'Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, avec des ballades acoustiques qui berçaient justement les longues routes de l'Amérique. Into the Wild était un film très beau sur le voyage, sur la jeunesse, sur le désir de liberté, réalisé par Sean Penn. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Alors, les jeux sont faits. Francis, aïe, aïe, maintenant, tu as une minute, toi aussi, pour, okay, pour débattre avec toi-même. Ben, je vais aller avec mes coups de cœur à vie qui ne sont pas les gagnants. Okay? Donc, Pyongyang fait partie de ces livres qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai justement, tu sais, cette espèce de découverte du reportage en bande dessinée, c'est quelque chose qui m'a beaucoup allumé. Fait que pour ces raisons-là, il ne gagnera pas. Ensuite, je voudrais Into the Wild aussi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais Pierre va perdre des points parce qu'il a révélé le punch. Oh! Ouais. En art visuel, il y a des punchs qui ont été donnés hein, aussi. Il reste bon, j'ai beaucoup aimé les cartes postales, mais j'avoue que là j'hésite beaucoup entre les 6 degrés de liberté et le voyage de Pierre Guibé, qui sont deux œuvres que j'aurais aimé voir et que j'aimerais lire éventuellement. Donc c'est là que je suis embêté, mais je pense que je vais y aller avec le voyage de Pierre Guibé parce que ça fait partie. Une des particularités du théâtre, je vous avais dit que je voulais avoir des particularités. C'est un peu le côté que si tu le manques, tu risques de le manquer pour longtemps, tu sais. Ouais. Donc, là, j'espère que ça non, va revenir. Non, parce que ça va être fait en film éventuellement, parce que sinon, c'est l'art de tous les possibles. Alors, voilà, le point va Robert Boisclair et le théâtre en général qui a un point. Yeah! On doit s'arrêter tout de suite pour une pause et au retour, on poursuit cette guerre des arts. Bon, mais je vais changer les titres pour que Francis les connaisse pas. Partenaire majeur du Radiothon de CKRL, Audiolite est le spécialiste incontesté de la haute fidélité à Québec depuis 50 ans déjà. Des conseillers compétents et passionnés sauront faire de votre visite une expérience d'achat hors du commun. Service après-vente exemplaire et prix compétitif. Audiolite.qc.ca. Salutations à tous. Je suis très fier, en tant que député de Jean Lesage, mon nom est André Drolet, comme à chaque année, de collaborer au Radiothon de CKRL. Sans oublier que c'est la plus vieille radio communautaire francophone d'Amérique du Nord. J'invite les gens d'affaires et la population à collaborer à cette campagne de financement, qui est majeure pour la pérennité de cette belle entreprise. Merci beaucoup pour votre collaboration et longue vie à CKRL. Aux éditions Michel Lafon, découvrez un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Le livre de la lumière, Alexandra Solnado. Ginette Renaud, la grande dame de la chanson, a eu un coup de cœur pour ce best-seller international qu'elle a traduit et préfacé. Vous vous demandez si vous prenez les bonnes décisions? Le livre de la lumière offre des leçons de sagesse simples et profondes, des messages de réconfort et de guérison qui abordent des sujets fondamentaux tels que le pardon, l'amour inconditionnel, la culpabilité, ainsi que plusieurs autres. Plus qu'un ouvrage, le livre de la lumière est un véritable guide de vie. Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. La Commission de la Capitale-Nationale du Québec vous invite au Palais Montcalm le 20 avril à 19h30, lorsque sur scène, un impressionnant lit impérial chinois livrera ses secrets. En histoire, en théâtre et en musique, découvrez les joyaux de la collection nationale lors de la dernière de la série « Les trésors de la capitale ». Pour plus d'informations, visitez le ccnq.org ou réservez vos billets auprès du Palais Montcalm. Une invitation des Musées de la Civilisation et de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec. La boutique Séraphin, impliquée dans son milieu depuis 20 ans. Des vêtements pour femmes, pour hommes et une multitude d'accessoires. De grandes marques telles qu'American Apparel, Adidas, Puma et Levi's. Boutique Séraphin, 738 rue Saint-Jean, boutiqueséraphin.com. Visitez notre page Facebook. Allô, ici Salomé Leclerc, vous écoutez CKRL et je vous encourage à donner généreusement pour le Radioton. Suivez notre encan du Radioton sur ckrl.qc.ca. Téléphonez au 418 640 2575 et misez à votre tour. 640-2575, c'est le numéro de téléphone que vous composez dès maintenant pour vous donner une chance de vous mériter un prix extraordinaire. Les prix qui sont à l'encan du 89.1, plus de 85 prix de mémoire qui sont tous uniques et fabuleux. On passe ça du côté du numéro 18, premier acte. Vous offre un abonnement double pour 8 pièces de la saison 2016-2017. La mise actuelle est à 175 $. Amoureux de classique, peut-être, l'Orchestre symphonique de Québec vous offre un forfait à la carte de 4 billets, voilà. La mise actuelle est à 130 $. Et si vous êtes, tout comme moi, amoureux de la belle région de Charlevoix, de la Basse-Côte-Nord, de la musique, de l'été et du bon temps, ben faites vite, hein. On a deux lots, le lot 20 et 21, qui simplement vous seront offerts pour vous donner la chance de découvrir l'émergence musicale et de bons vieux groupes également, plus établis du côté de Tadoussac, le Festival de la chanson de Tadoussac, un incontournable au lot 20 et 21. Ça vous tente de vous faire un coquet le samedi soir? Mesdames, messieurs aussi, je vous invite à participer et à co-animer en ma compagnie une émission de ma boîte à cassettes. Fabuleux! Et je vous garantis que le plaisir sera au rendez-vous. Si vous aimez plutôt les couleurs de Michel Dubois, ben, au numéro 23, vous pourrez également, en misant sur ce lot, vous payer la traite et puis co-animer l'émission de blues numéro 1 à Québec en sa compagnie. Ce sont des valeurs qui sont fixées à 75 $ pour l'instant. Donc, appelez-nous. On attend votre appel. 640-2575. Soyez les premiers à miser sur les lots de l'encan du Radioton sur ckrl.qc.ca et téléphonez au 418 640 2575 et faites votre mise. Cette journée du Radioton vous est présentée par la mesure Première Ovation et la Caisse de Limoilou. Faire affaire avec la Caisse Desjardins de Limoilou, c'est investir dans l'avenir de notre collectivité. Tout comme vous, elle a à cœur le développement de CKRL et sa pérennité. Prenez part à son Assemblée générale annuelle familiale qui aura lieu dimanche le 24 avril à 10h au Cégep Limoilou, campus de Québec. Une invitation spéciale aux parents et grands-parents accompagnés de leurs enfants de tous âges. Halte-garderie, activités sportives, animations et zones de jeu, en plus d'un dîner sur place pour tous les participants. Pour les parents, un panel d'experts de la santé sous le thème « Pour une famille heureuse et presque parfaite ». Inscrivez-vous dès maintenant à aga2016evenbright.com. Salut, c'est Pascal Picard. Je serai de l'émission de clôture du Radioton dimanche dès 18h. Alors passez nous voir au 405 3e Avenue. C'est KRL, la rue pour rassemblement. Les premiers de mois d'avril, c'est le Radioton. Premier 2 et 3 avril, l'objectif c'est 40 000. Vous n'êtes pas un pro de la comptabilité? Ça vous stresse? Confiez-nous votre santé financière. pour un coup de main pour votre tenue de livre informatisée, votre service de paye, vos prévisions budgétaires, contactez le service de comptabilité de la CEDEC de Québec. Nous évaluerons ensemble vos besoins. Nous offrons un service flexible et abordable, accessible à toute entreprise, organisme communautaire et travailleur autonome. Nous pouvons également faire la gestion de votre copropriété ou de votre édifice à bureau. Contactez-nous au service de comptabilité au 418 525 5526 poste 2114 ou au service de comptabilité à commercial cedecdequebec.qc.ca. L'épicerie européenne, nos spécialités, fromage, charcuterie, thé et café, huile et vinaigre. L'épicerie européenne vous prépare d'appétissants plateaux de fromage et charcuterie pour vos 5 à 7 et soirées entre amis. L'épicerie européenne, 560 rue Saint-Jean, 418 529 4847, épicerie-européenne.com et maintenant sur Facebook. L'Orchestre symphonique de Québec a le plaisir de présenter son concert Fables, Contes et Musique. Une soirée toute en poésie, avec la participation des comédiens du Théâtre du Trident, où vous entendrez des fables de La Fontaine sur la musique de Poulenc, ainsi qu'une lecture du conte de La Belle au bois dormant sur des extraits de cette même œuvre composée par Tchaïkovski. Un rendez-vous le mercredi 13 avril au Grand Théâtre de Québec. Détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Terminer la meilleure discipline artistique. Et depuis le début, ça joue dur. Il y a un point du côté des arts visuels, un point pour le théâtre et zéro pour toutes les autres équipes. Francis Dernay, notre juge, toujours en forme? Toujours. Excellent. Alors, on y va avec une troisième catégorie. J'aimerais que vous me parliez du féminisme. Oh, yes. Pierre Blais, en cinéma. Je sais que c'est peut-être un cliché, mais j'ai pris une œuvre récente pour que tout le monde s'y trouve et que personne n'attendait. Il s'agit d'un remake, évidemment. Ben évidemment, évidemment, quand vous allez savoir le titre, c'est Mad Max, le dernier Mad Max, réalisé par George Miller. On pensait réellement, avec les trois premiers qui avaient été réalisés dans les années 80, avoir droit à un bon film, certes d'action, mais un film machiste, testostérone et tout ça. Finalement, on s'est retrouvés avec un comédien, Tom Hardy, qui joue Mad Max, qui se fait éclipser, mais du début à la fin, par le personnage incarné par Charlize Theron, la Sud-Africaine, une excellente comédienne, qui a encore une fois prouvé qu'elle est grandiose et qui a même fait ce film Mad Max, un film dont on n'attendait pas, un film féministe. Avec des personnages forts, avec des personnages, elle incarne la force brute, avec quoi elle a un poignet en main, un bout de bras en main, en moins, la Martin des champs du grand écran, certains l'ont comparé. En bout de ligne, elle va aider des femmes à se libérer du joug de l'espèce d'escadron de la mort qui conserve l'eau. C'est un film important, c'est un film qu'on n'attendait pas, et malgré son côté série B, il s'est retrouvé en lice aux Oscars, grâce, selon moi, à la performance de Charlize Theron et de son personnage dans le film. Merci beaucoup, Pierre. En bande dessinée? En bande dessinée, en fait, on a décidé d'aller avec une période et avec deux auteurs qui sont emblématiques de cette période-là. Donc, si on s'en va dans la bande dessinée fin 80, début 90 au Québec, il y a eu deux figures féminines incontournables qui se sont imposées, qu'on retrouve d'ailleurs toujours dans les discussions à Angoulême, que ce soit autour de la bande dessinée patrimoniale ou autour des différents prix hommages. Alors, il s'agit de Julie Doucet et de Sylvie Rancourt. Julie Doucet qui nous a offert, fin des années 80, un regard sur sa vie de danseuse nue en Abitibi avec Orgies of Abitibi et Mélodie, qui a été réédité d'ailleurs chez Ego Comics tout récemment, et Julie Doucet qui, évidemment, au fil de sa carrière de fanziniste, ensuite édité du côté album, côté anglophone tout particulièrement, mais s'est affichée comme une figure majeure de la bande dessinée québécoise, réédition d'ailleurs absolument superbe de son fantastique plot à l'oie de Cravanne. Comment on pourrait décrire le style peut-être graphique de Julie Doucet, Marco? Je te lance la colle, c'est comme pas évident. Non, je vois étoile, Marco, ce soir. Te suivre, c'est... arriver après toi, c'est comme... il reste plus grand-chose. En fait, le style graphique de Julie Doucet vient direct de l'underground américain. Les Robert Crumb, elle me fait signe que c'est fini. C'est fini, votre minute est dépassée, je suis désolé. Regarde, Raymond, la prochaine fois, enlève tous les articles. Que des beaux clés. Je vais gagner un mot ou deux. En théâtre maintenant, Robert, pour le féminisme. Oui, alors moi, j'y suis allé avec Les Fées ont soif, qui a été présenté en septembre 2014. Une très belle reprise du spectacle. Ce qui est intéressant dans ce spectacle-là, oui, c'est un spectacle féministe qui porte la parole des femmes haut et fort, mais c'est un spectacle, curieusement, qui, à la création, avait été mis en scène par un homme et qui, à la reprise, en 2014, a également été mis en scène par un homme. Donc, c'est comme si ça prenait des hommes pour mettre en scène ce spectacle-là. Ça fait quand même un petit peu étrange, mais c'est vraiment un très beau spectacle, avec entre autres Lise Castonguay, Lorraine Côté et Marie-Ginette Guay dans les trois rôles principaux, qui faisaient la statue, la mère et la prostituée. Et j'ai un court extrait là, de la mère pour un peu porter la parole de ces femmes-là. Alors, elle dit, « Avant de me marier, quand je sortais avec lui, sais-tu, Madeleine, ce qu'il me disait? Il me disait, si tu me quittes, je te tue. Et moi, la dingue, je lui répondais, si tu me quittes, je me tue. Il y avait toujours rien que moi qui mourait. » Donc, ça porte un peu le message que ces femmes-là portaient dans ce spectacle-là. Vraiment un très, très beau spectacle qui faisait de la place quand même au public. On avait des gens sur scène avec les comédiens. Mais c'était vraiment magnifique comme spectacle. Donc, Les Fées ont soif qui avait été présenté en 2014 à la Bordée. Merci beaucoup, Robert. En art visuel? Alors, en art visuel, on a choisi La chambre nuptiale de Francine Larrivé, une œuvre de 1976, donc qui est présentée en plein climax des luttes féministes, en fait, qui est présentée l'année suivant l'année internationale de la femme, qui avait été mise en place par l'ONU. Donc, c'est à l'ouverture du complexe Desjardins en 76. C'est une installation qui a été faite dans un centre d'achat, une espèce de grosse, grosse yourte. Et on pénètre à l'intérieur, il y a trois salles. Donc, la première salle est une salle, une espèce de corridor circulaire habité par un ensemble de sculptures représentant des hommes, des femmes, grandeur nature, qui occupent des rôles stéréotypés de la vie quotidienne, de la relation homme-femme. Ensuite, donc ça, c'était les catacombes, la première salle. La deuxième salle, la chambre-chapelle, donc une salle circulaire voûtée, recouverte de satin capitonné, remplie de peintures qui représentent le quotidien d'un couple marié, avec l'hôtel de la femme, l'hôtel de l'homme, l'hôtel du couple. Et au centre, une mariée inanimée étendue sur un lit tombeau. Donc, une critique du mariage, un moment tournant du féminisme. Merci beaucoup. Maintenant, en littérature? En littérature, moi, j'aurais pu choisir bien des livres, mais j'ai choisi de prendre le premier, d'après moi, roman québécois féministe, « Dans un gant de fer », écrit par Claire Martin, qu'on connaît pour... ce livre-là compte toujours comme son autobiographie, mais d'après moi, c'est le premier roman féministe. Il raconte son histoire, son enfance. Elle est née en 1914 ou 15, avec un père épouvantable qui matait tout les femmes de la famille, vraiment d'une violence rare. Il était opprimé dans tout et elle va avoir la chance de vivre un moment chez ses grands-parents et développer une certaine résilience qui va l'aider avec son mariage de se sortir de cette non-vie de femme. En tout cas, après avoir lu ça, si on n'est pas devenu féministe, on n'a pas de cœur. Alors, au final, coup de poing pour la littérature. Alors, sur le féminisme, Francis, qu'est-ce que tu choisis? Un thème fort, déjà, donc... Merci. Je pense que c'est le thème qui va gagner. C'est très difficile en ce moment. J'hésite beaucoup entre Les Fées ont soif, que j'ai pas vu, mais que j'ai beaucoup entendu parler, et puis Dans un gant de fer, que ça fait partie des œuvres que je ne connais pas du tout et qui, là, m'intrigue beaucoup. Donc, je pense que je vais aller quand même avec la littérature pour ce coup-ci. Je voudrais quand même apporter, malheureusement, mon scepticisme par rapport à Mad Max. Mais en même temps, j'ai vu récemment un film féministe, moi aussi, avec un personnage féminin très fort. Ça s'appelle Terminator Genesis. Mais j'ai beaucoup aimé Mad Max, mais tout le débat autour de si c'est un film féministe, j'ai pas vraiment embarqué. Donc, tu changes pas ton point? Ne change pas mon point, c'est Dans un gant de fer. Voilà, alors le point va à la littérature. Et mesdames, puisque vous avez gagné le point, vous allez commencer sur l'humour. Ah, l'humour, on va... Donc, Fabien Cloutier, on va être un petit peu le théâtre, avouons-le. Et on va vous le citer. Je vous permets. Merci. Merci, Robert. Donc, Fabien Cloutier qui fait, avec Trouve-toi une vie, des chroniques qu'il a faites à Plus on est de fous, plus on lit, donc l'émission littéraire de Radio-Canada. Donc, je vais parler d'un autre poste de radio beaucoup moins bon que CKRL. Et d'une autre émission littéraire beaucoup moins bonne. Beaucoup moins bonne, évidemment. Tu sais, des fois, il y en a qui disent que le monde qui écoute la radio de Radio-Canada, ça pète plus haut que le trou. Bien, vous allez voir que ça pète pas mal à la même hauteur que tout le monde. Et un autre extrait que je vais vous trouver. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça avant. Ça prend quelqu'un qui va ou qui est déjà allé sur le terrain pour que ça aille bien. Comment santé? Tu mets médecin comme ministre, c'est sûr que ça va bien se passer. C'est cynique. Il part d'expression québécoise. De régionaliste québécois. Quand il parle de la bourse des Beaux-Serons, c'est magnifique. Mais il finit par en faire une critique de la société, du gouvernement. C'est fabuleux. Chaque phrase est drôle. J'aurais pu piger au hasard n'importe où dans ce livre-là. Merveilleux. Merci beaucoup. En bande dessinée. Alors nous, après avoir discarté toutes les œuvres de Francis Desharnais, parce que jusqu'à maintenant, ça a donné rien de lui dire qu'on aimait ce qu'il faisait, on a choisi chez Pawpaw Samuel Quentin avec son White Horse, ou son premier qui était Ville et... Son deuxième, Ville et Misérable. Ouais. Et en fait, Quentin, sa force, c'est de raconter un quotidien, un réaliste de la vie de personnages tout à fait ordinaires, mais de les décrire leur caractère comme étant à deux doigts de la folie, à deux doigts d'exploser, surtout dans White Horse, le petit copain jaloux qui sera là. Mais avec son dessin, parce que la bande dessinée est une des spécificités de la bande dessinée, c'est le dessin. On gagne-tu des points quand on fait ça? Et par rapport au texte, dessin, c'est par rapport au dessin, quand il dessine ses personnages, c'est là où il prend toute sa force et que... oui, c'est encore, terminé. J'étais encore... Oh, oui, non, c'est terminé. Ça, voilà. Alors, on finira puis sur... qu'est-ce que ça fait, Raymond? On finira sur ces points de suspension au cinéma. J'ai regardé beaucoup la télévision durant ma jeunesse, dans les années 70, et parmi les émissions que je n'arrêtais jamais, il y avait les émissions de marionnettes venant de l'Angleterre, les Sentinelles de l'air, Captain Scarlet et autres. Et si on pense humour, je ne pensais pas que les marionnettes allaient me faire rire des années plus tard avec le film Team America. Team America, c'est un film créé par les deux créateurs de South Park. C'est un film irrévérencieux, mais qui artistiquement... Et l'un des plus beaux réalisés ces dernières années. Tous les décors, tous les costumes, toutes les marionnettes sont extraordinaires. Rire! Et rire de Matt Damon! De cette façon-là tout au long du film. Et de voir que la version DVD a une scène censurée au cinéma que n'aurait pas renié dans Lune de Fiel Pascal Bruckner, mais qu'elle est loin dans les excréments et dans la nudité frontale. De voir que ça se passe dans le milieu des marionnettes et qu'on ne peut s'empêcher de rire et qu'on a honte de rire comme ça, Team America, pour moi, est un chef-d'œuvre dans son genre. Mon Dieu, avoir su que tu allais parler de honte de rire, j'aurais pensé que tu aurais parlé de hot dog ou de l'Empire bossé. Oh! On va passer au théâtre. Bon. Oui, alors on va passer de cul à cocu, finalement. Puisque dans mon choix, j'ai choisi le Fédo. J'aurais pu choisir à peu près n'importe quel Fédo, parce que Fédo, c'est toujours de l'humour, et j'aurais pu choisir bien d'autres auteurs. Mais j'ai choisi le Fédo qui a été présenté tout récemment à l'Abordé, là, au mois de mars 2016, donc c'est tout récent. Parce que ce Fédo-là, on l'avait un peu transformé. On avait fait un collage de quatre Fédos. Les spectateurs pouvaient sélectionner les Fédos qu'ils voulaient parmi six. Il y en avait trois longs, trois courts. On en sélectionnait deux dans chacune des catégories. Et on a fait un montage qui était vraiment très vif, très pétillant, très agréable. Ici, il y avait un des Fédos qui nous intéressait un petit peu moins. Bien, on pouvait prendre son temps et écouter le prochain après et en profiter au prochain. Juste un court extrait d'une des pièces qui était dans ce montage. Alors, voici ce que ça disait. « Fais la cour à ma femme, voilà tout, et ça me vexe. Voilà 6 mois que ça dure. Heureusement, je ne suis pas de ces maris aveugles. J'ai tout compris. Ah, ce que j'ai lu, Othello, un drame d'un Anglais, qui écrit très bien en français pour un étranger, ça m'a ouvert les yeux. Donc, ça donne un petit peu une idée là, de ce qu'on pouvait avoir dans le spectacle. Donc, c'était un beau spectacle là, qui permettait au public, en plus de ça, de participer. Donc, ça a amené un FEDO d'une façon différente. Merci beaucoup, Robert. Et finalement, en art visuel. Alors, Monsieur Juge, je voulais savoir quelle était la spécificité de chacun de nos arts. Eh bien, moi, avec cette œuvre sur l'humour, c'est de dire que l'art peut se trouver partout. Il peut nous surprendre à des endroits où on ne s'attendait pas à le trouver. Et j'aimerais proposer « Femme de toilette » de Pierre Ayotte, qui est en fait une œuvre qui se trouvait dans une cabine de toilette. Et c'était, à vrai dire, un trompe-l'œil. Donc, parce que quand on entrait dans la salle de bain, il y avait deux femmes qui discutaient, comme ça, qui parlaient du milieu des arts, deux artistes. Cachées derrière les portes. Oui, cachées derrière les portes. Et en fait, c'est qu'on était surpris parce qu'on ne savait pas que c'était une œuvre d'art qui se dissimulait là, mais on se demandait, mais comment ça? Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là, cachés derrière la porte à jaser comme ça? Mais on avait même dissimulé des bottes dans la cabine. Il y avait un gros magnétophone qui était placé sur le bol de toilette, donc pour l'effet trompe-l'œil. Mais Pierre Ayotte est probablement un des artistes aussi qui a le plus influencé nombre d'artistes actuels, comme les BGL qu'on connaît beaucoup ici à Québec. On peut penser, par exemple, à Cooksasville aussi, ce genre d'humour-là, aussi. Et il faut dire essentiellement aussi que c'est une œuvre à la fois visuelle et sonore qui a été un sorte de point tournant aussi pour l'artiste, mais c'est surtout pour le fait que c'est dans les toilettes et c'est toujours agréable de voir l'art aussi dans les toilettes. Une œuvre de 1980, faut la situer parce que c'est vraiment assez audacieux pour l'époque aussi. Merci beaucoup. Alors, tu as toutes sortes de propositions. Certaines tournent autour du... en tout cas, la bol de toilette, mais il y en a quand même deux sur cinq. Alors, Francis, ton choix? Ça ne sera pas le gagnant, mais Femmes de toilette, j'espère qu'ils vont le refaire un jour parce que ça m'intrigue énormément. Ça te donne envie. Sinon, malgré que j'ai vu tous les autres. Qui ont été proposés. Donc, je vais devoir choisir là-dedans quand même. Je voudrais juste mentionner que Samuel Quentin se retrouve dans deux des œuvres, dans White Horse, mais c'est lui aussi qui illustre le livre de Fabien Cloutier. Donc, t'as comme pas le choix. Salut Sam. Non, mais je vais y aller avec le cinéma pour cette fois. Hey! Parce que moi, ça m'a bien fait rire aussi, Team America, mais aussi, c'est vrai que je pense que c'est une des avenues qu'on pense pas pour le cinéma, c'est-à-dire la marionnette. Puis, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que ma blonde est marionnette. C'est ce que j'allais dire. Francis, merci beaucoup. On fait une tournée éclair pour le dernier thème qui sera la bouffe. Alors, le cinéma, Pierre, c'est toi qui commence puisque tu as gagné le point. Avec un micro, s'il te plaît. Oui, OK. La nourriture, j'ai replongé dans mes souvenirs des années 90. En 1994, j'étais allé voir un film au CLAP qui s'appelle Eat, Drink, Man, Woman. En français, c'était Salé, Sucré. C'est un film taïwanais et un film de Ang Lee. Et après ce film-là, Ang Lee est vraiment devenu une vedette. Il a réalisé Ice Storm, il a réalisé plein de films aux États-Unis. Et ça, c'était sa période taïwanaise. Dans ce film, on retrouvait un père de famille qui avait trois jeunes filles qui avait des carrières différentes, et c'était un père vraiment protecteur. Et à travers tout ce paternalisme à la taïwanaise qui était illustré dans le film d'Ang Lee, ce père de famille-là avait une grande qualité, parce que quelquefois il nous tombait sur les nerfs avec la façon d'agir avec ses filles, c'est qu'il faisait des repas, mais magistraux. Il concoctait des recettes asiatiques, mais qui donnaient faim. Et c'est un film qui était très beau visuellement pour ça, pour toute la préparation de la nourriture. Ça s'appelle « Salé sucré » de Ang Lee. Merci. Robert, théâtre. Oui, alors, avec mon premier sujet, j'avais pigé dans la table de la littérature. Cette fois-ci, je vais piger dans ta table. Dans le cinéma. Puisque je vais y aller avec My Dinner with André, qui est un spectacle, comme son nom l'indique, belge, qui est inspiré du film de Louis Malle de 1981. Est-ce que tu as vu le... Non, tu n'avais pas vu le film. OK. Donc, c'est un... Ce qui était intéressant dans ce spectacle-là, c'est qu'il y avait un véritable repas qui était servi sur scène. Quand on arrivait dans la salle, il y avait un chef qui préparait le repas, qui allait servir. On avait fait la même chose au Périscope avec Festen. Oui, c'est vrai, on avait fait la même chose avec Fessen, mais le chef n'était pas sur scène. Là, le chef était sur scène. Donc, un spectacle qui mêlait théâtre, repas, discussions intéressantes sur le théâtre. On faisait une mise en abîme dans le théâtre. Donc, c'était vraiment très intéressant et c'était au cours d'un repas qui durait 2h45, si ma mémoire est bonne. Merci beaucoup en art visuel. En art visuel, on a choisi, en fait, Claudie Gagnon pour l'ensemble de son œuvre. Claudie Gagnon, une artiste actuelle de Québec. J'ai sélectionné tout particulièrement son installation, l'appartement. Donc, la photo que vous voyez circuler, c'était une des pièces de son appartement. Elle avait investi son appartement d'installation artistique. Et ça, c'était une salle de bain dont le plancher était recouvert de petits beurres qui faisaient office de carrelage. Les murs recouverts de cookies. C'était l'odeur. Moi, je me souviens de l'odeur de cette pièce-là, donc de gâteau qui nous accueillait. Merci beaucoup. En littérature? En littérature, je vais vous parler de La revanche du pâté chinois d'André Montmorency, un livre que j'ai lu il y a 20 ans, que je ne trouve plus. Donc, je pourrais pas te lire des extraits, Francis, je suis désolée. Mais pour dire à quel point il m'a marqué, je peux encore t'en parler très, très bien. Donc, André Montmorency nous raconte sa vie dans ce livre-là, mais à travers les recettes qui ont été importantes pour lui tout au long de sa vie. Donc, ça commence avec le macaroni au fromage qu'il faut absolument faire avec du cattelli parce que sinon, ça colle pas. Jusqu'à la grande gastronomie, mon plaisir aussi de comment cuire un œuf, donc tranquillement. On devrait pouvoir le cuire sur l'asphalte une journée qui fait 30 degrés dehors. C'est magnifique. On salive. Donc, ce livre de recettes et c'est une biographie en même temps. C'est merveilleux comme livre. Merci beaucoup. Et en BD? En BD, on a été avec Le bestiaire des fruits de Zviane. En fait, essentiellement, dans ce livre-là, Zviane essaye des fruits exotiques, des fruits qu'on connaît pas quand on va à l'épicerie. Évidemment, ça pourrait être très plat de rendre ce type d'exercice-là, mais Zviane réussit à y apporter une candeur, à y apporter un humour riche, varié, à y apporter une dynamique presque narrative, enfin, nous amenant au fil des anecdotes qui sont évoquées par les saveurs, par les textures, par les éléments qui l'ont amené vers ce fruit-là aussi, parce qu'il y a certaines qui sont des suggestions, d'autres qui sont simplement trouvées au fil de l'épicerie. En fait, il sert de guide quand on va à l'épicerie. et littéralement, en fait, ça donne envie à toi-même d'aller les essayer à Zviane aussi, parce qu'elle réussit à travers la page à vraiment avoir un charisme et un plaisir qui est contagieux, littéralement. Donc, ce qui fait que, pour moi, c'est la référence en BD québécoise de bouffe désormais, et en BD humoristique aussi presque, Le bestiaire des fruits à la pastèque. Je pensais pas qu'on pouvait dire charisme avec des fruits, en tout cas. Francis, ton choix ultime? Mon Dieu. Ben, écoute, soit que je fais gagner la BD, comme ça tout le monde aura gagné. Bon, on veut pas de ta pitié. Oh, OK. OK. Mais le pire, c'est que quand même, c'est vrai que Le bestiaire des fruits, c'est quelque chose d'unique dans la bande dessinée. C'est quelque chose que. Je pense qu'il y a juste Vienne qui a fait ça, justement, de présenter des fruits d'une façon. Amusante et intéressante. Je pense que dans les autres arts, c'est quelque chose que j'ai pas revu. Donc, je vais dire, malheureusement, vous allez gagner le point. Ah, mon Dieu, ce qui veut dire que tout le monde gagne! Alors, la culture gagne, tout le monde a un point. Merci beaucoup d'avoir participé à cette guerre des arts. Francis Dernay, notre juge, merci. Ben, désolé, le prochain coup, je vais être plus chien. OK, on fera ça. On se procure ta BD qui porte ce nom-là, la guerre des arts, qui est disponible dès maintenant, évidemment, toute ta BDographie au grand complet. Messieurs, dames, on écoute vos émissions Babel Rink et Marie-Hélène Vaugeois pour les bouquets. D'abord, Pierre Blais, tu devais être accompagné de Jason Béliveau. Les malades. Et malheureusement, il a été disqualifié parce qu'il a participé au quiz vendredi. Il a testé positif à la drogue après avoir répondu à trop de bonnes réponses. Donc, il a été disqualifié pour aujourd'hui. On écoute Situation critique. Robert Boisclair, on t'écoute aux Enfants du Paradis. Et Audrey Gentilhomme, on vous écoute à l'aérospatiale. Évidemment, Raymond Poirier à La vie en BD les vendredis à 17h30. La culture gagne, tout le monde gagne. Restez avec nous. Fred Fortin, la prochaine heure au Radioton. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, le Bal du Lézard s'est imposé au fil des ans comme un lieu de rencontre culturelle et sociale au cœur du quartier Limoilou. À la fois café, resto, bar, salle de spectacle et d'exposition, le Bal est l'endroit idéal pour rencontrer des gens sympathiques dans une ambiance chaleureuse. Découvrez toute notre programmation à venir sur lebaldulézard.com.